Ouais, Nenoussa, Rayerchi, 135, tu connais. Ouais, tu connais, négro, ouais, tu connais. Tu connais. Tu connais. Ouais, tu connais. Tu connais. Tu connais. Tu connais. La scène sur mer. Les voyous. Regarde-moi tous ces MC qui me suivent. Je maîtrise le mic, eux je les méprise car ils me les brisent, ils crisent en voyant ma technique. Je quitte même la tête en bas, les autres MC kiffent. T'as bien foutu en bas, ne me parlez pas car là je suis dans ma matrice. Toujours le cahier ou le bloc-notes pour que ma clique et la cote. Et yo, je vois que t'as la tête dure, tu me perturbes, tu vas finir par être ma tête turque. Les couleurs de mon drapeau, c'est le blanc et le rouge. La couleur de ton humeur, c'est le vert de rage. Moi j'écris des pages et des pages, tu voudrais m'enfermer dans une cage, cage car je suis dangereux comme un félin. Moi mon taf je le fais bien. Au moins essaye de me trouver un MC qui essaie de me clash comme ça. Je pourrais le ken et yo je repars avec des rimes insolites. Moi je suis très lucide, toi t'es pas très solide. Ma team kiffe les grosses fesses, les grosses caisses, les gosses taisent les mines. On kiffe mes rimes que j'écris des crêtes. Moi ce que tu veux, tout en ayant un flow négue. Vas-y trace ta route, moi je trace la mienne. On verra qui arrivera au sommet en premier. Le trophée je connais, le trop mais je prenais. Maintenant je vais te cogner, tu me connais. Coller mes textes partout, c'est mon taf, je connais, je vais taper ton gros négro. Les MC, je les ai frôlés, ils m'ont collé parce que j'avais un sale flow. Tu nous connais, violer le beat, c'est ce qu'on fait toute la sainte journée. Mon frère, tu veux savoir quand ça ira? Quand j'aurai le compte de piqué, que je lui aurais piqué Shakira. Check des bâtards nous jette aussi. Nique sa mère, dans le milieu, on est offensif comme Ozil. En fumette, suis le coup, putain, pisse le goût. Les coups de la vie, on fait que mes larmes, j'aise pas les coups. J'bois un coup, du coup. Vois un coup, du coup, la mère tu m'as dit, toi et moi on mène une vie de couple. Tu connais pas, écoute le couplet, j'raconte ma vie au détail. Gros, mon vécu j'ai coupé, tu veux la coupe toi, tu veux la coupe toi. J'te le dis au toupé, me lancer dans rap, tu qu'à un coup près. Et quand j'roulerai en féfé, j'croirai au compte. Mais pour l'instant je compte les erreurs que j'ai fait. Faut que je finisse sur une shot en étant frais, frais. Pour les frais, les frères, assurer les frais, frais. Peur de l'enfer, faire. J'ai si je veux m'enfuir, fuir. Mais le pire, c'est qu'on me dit que j'ai pas à m'en faire, faire. Depuis le temps, j'ai pris des volts dans la cabessa. Et c'est bizarre quand je bois tout seul, mais que j'ai à la vote. Asie, maintenant il m'en faut beaucoup pour que je vacille. Maintenant il m'en faut beaucoup pour que je vacille. J'rappe comme si je pourrais m'arrêter comme ça. C'est Versa et vice, mais moi le sevis je vais vers ça. Personne veut s'assurer ou même se rassurer. Demande conseil à la nuit, je crois pas qu'elle aide. Sinon ça saurait. Sinon ça saurait.